En bas ça braque, ça tire, ça pique, rave même de l'air, oh. J'ai grandi là et celle-là c'est pour tous mes frères, oh. Fuck la bestie, ouais, oh, yeah, fuck la monde, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix. Les colis arrivent tout droit de Rio de Janeiro. Les équipes se sont formées, ça depuis le pré, oh. On rendra tous des comptes et ça devant le train, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix. Papa, papa, ton fils a grandi. J'étais un mec bien. Je suis un bandit. Tout le courage les a quittés. Cité, j'ai les coupables les a quittés. Je reviens de la guerre seul tous les jours. Ils me loupent et je ramène la coupe à la cité. Moi, pas de mi-temps que les temps forts. Plus de cauchemars, le rêve prend forme. Je m'en sors pas le tôle, pas le greffe. Faire en bref, après l'effort, y'a des renforts. 9-3, les problèmes, on les compte au maître. Et ceux qui contrôlent et les contre-maîtres. Cousin, il me reste 2-3 trucs à commettre. Et je me suis promis de plus rien promettre. Je vois que des jeunes bookies, je me balance. Chargeur plâtre et bibi, bonne cadence. Faudrait m'offrir une vie dans le cadeau. Une dans le dos, personne assume comme j'avance. Je vois que des jeunes bookies, je me balance. Chargeur plâtre et bibi, bonne cadence. Faudrait m'offrir une vie dans le cadeau. Une dans le dos, personne assume comme j'avance. Hey, oh, en bas, ça braque, ça tire, ça pique, rave même de l'air, oh. J'ai grandi là et celle-là, c'est pour tous mes frères, oh. Fuck la bestie, ouais, oh, yeah, fuck la monde, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix. Les colis arrivent tout droit de Rio de Janeiro. Les équipes se sont formées, ça depuis le pré, oh. On rendra tous des comptes et ça devant le train, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix. Maman, ton fils a grandi. J'étais un manant, je suis un anti. Pour tout le sale qu'on a fait, on devrait être dans le Guinness. Si Dieu voulait qu'on soit pauvre, y'aurait pas autant de richesse. Hey, ouh, j'ai débranché mon cœur, je t'agresse. Clic. Les hommes meurent, les armes restent. AK du Wakanga, j'suis une Black Panther. Les couilles et le flingue sont toujours là après l'inventaire. Je savais que j'allais les enlécus avant même de naître. J'achète sans regarder le prix, jette l'argent par les fenêtres. Avec un pharmace, tu gagnes toujours à pile ou face. Quand je viens, tu entends pas. Je te préviens, je préviens pas. Hey, oh. En bas, ça braque, ça tire, ça pique, rave même de l'air, oh. J'ai grandi là et celle-là, c'est pour tous mes frères, oh. Fuck la bestie, ouais, oh, yeah, fuck la monde, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix. Les colis arrivent tout droit de Rio de Janeiro. Les équipes se sont formées, ça depuis le pré, oh. On rendra tous des comptes et ça devant le train, oh. Y'a pas le choix, non, gros, y'a pas le choix.